Sans vous mettre que j'avais vu, mais c'est votre roulade doudou. Sans vous mettre que j'avais vu, c'est que j'ai qu'à qu'est rassuré.